Sur la première, jusqu'à 14h, c'est Histoire Vivante. Bon après-midi. En nouvelle diffusion. 6, 5, 4, Jean Leclerc 3, et Frédéric Pfeiffer 2, vous proposent 1, Histoire Vivante. 0. En 1953, 16 ans avant Neil Armstrong, Tintin a marché sur la Lune. Le monde n'est pas assez pour Tintin. Il faut encore aller sur la Lune pour étendre le domaine de l'aventure. Les mots que prononce Tintin, ça y est, quand il pose le pied sur la Lune, j'ai fait quelques pas, sont à deux, trois détails près. Pour la première fois sans doute dans l'histoire de l'humanité, ce qu'Armstrong emploiera. On a marché sur la Lune. Cette semaine, la conquête. Peu importe qu'on soit sur la Lune ou aux confins de la planète Terre, XFLR6, Mercury, Gemini et autres Apollo. Pour Hergé, il s'agissait d'éprouver l'humanité de Tintin. Quelques histoires de Lune. Allô, allô. C'est une œuvre qui est véritablement construite sur la quête du bien. Ici la Terre. L'objectif Lune, et on a marché sur la Lune, on fait naître des vocations. J'appelle fusée lunaire. De scientifiques, de techniciens, voire d'astronautes. Heureusement que les Dupont viennent foutre le bordel. Je m'appelle Pierre Fresneau-Derwel. Je suis professeur en retraite. J'ai travaillé 20 ans dans un institut de journalisme à Tours, où je faisais de l'analyse d'images. Et puis j'ai été repéré par Paris 1 Panthéon, et je suis donc devenu professeur à la Sorbonne, où j'ai enseigné l'analyse d'images, entre autres, et l'histoire de l'art un peu, pendant 20-22 ans. Et puis depuis 10 ans, je suis un retraité qui travaille énormément. Vous n'avez pas mentionné ce que vous faites parfois dans d'autres entretiens. Vous êtes né à un moment précis. Oui, je suis né sous les bombes, en 1943. Compliment. Les Américains bombardaient un nœud ferroviaire à côté duquel ma mère accouchait. Ensuite, j'ai grandi et je suis allé à l'université. Et c'était dans les années 65, par là. Vers 67, j'ai fini mes études de linguistique, qui ne m'amusaient guère. Et puis j'ai eu l'idée bizarre de me donner Tintin comme objet d'analyse. Je suis allé voir mon prof et je lui ai dit « J'aimerais faire un mémoire d'analyse sur Tintin. Je viens de lire les éléments de rhétorique et les éléments de sémiologie de Roland Barthes. Alors je ne suis pas Roland Barthes, mais j'aimerais creuser dans cette direction-là. » Il m'a dit « Banco ». J'ai fait mon mémoire de maîtrise sur la bande dessinée avec des exemples d'Hergé surtout. Ça s'est très très bien passé. Et puis ensuite j'ai fait un troisième cycle sur la bande dessinée, une thèse d'état, j'ai publié un tas de choses et on m'a repéré à l'université comme ça, à l'école de journalisme qui était intégrée à l'université. Et puis voilà. Et j'ai écrit sur la peinture, une chose comme ça, mais toujours l'image. Et cette relation à l'œuvre d'Hergé, elle naît chez vous d'une intuition ou d'un constat qu'il n'y avait pas eu encore avant que vous ne l'entrepreniez vous-même, un travail au fond sérieux sur le contenu de ces albums? C'est plusieurs réponses à la fois, évidemment, ce n'est jamais le produit d'une cause. Peut-être la première, la plus décevante, est qu'il n'y a rien sur le sujet et que je n'ai pas besoin de courir les bibliothèques pour me documenter, j'ai tout à la maison et je trouvais ça très pratique. Ensuite, j'avais compris vite que c'était une œuvre et que Hergé était un artiste. Cette chose a été acceptée très très longtemps après, puisque Beaubourg fait une exposition en 2005 qui s'intitule « Hergé, virgule, artiste ». Mais bon, nous étions, au moment où je considérais qu'il était déjà un artiste, nous étions en 1971. Puis j'ai envoyé mon travail à Hergé, qui m'a reçu, nous avons beaucoup échangé, il m'a passé des crayonnés à lui, etc., etc. Et puis je l'ai quitté un peu, et puis je suis revenu à la fin de ma carrière sur Hergé. Sur quels critères, Pierre Fresneau-Derwel, vous basiez-vous pour dire « c'est un artiste » ? C'est très simple. Comme j'avais fait des études d'esthétique un peu quand même, et que je travaillais sur ce qu'on appelle la poétique, je vais dire ce que c'est, je me suis aperçu qu'Hergé était un poéticien. Qu'est-ce que c'est qu'un poète ou un poète ou un poéticien ? C'est quelqu'un qui travaille énormément la forme pour arriver un contenu le mieux formaté ou le mieux arrangé possible. Il me semblait qu'il y avait une adéquation formidable entre ce que Hergé voulait faire ou voulait nous faire ressentir et les moyens qu'il se donnait. J'ai trouvé que cette adéquation était partout au travail et que ça ne cessait jamais. Et cette constance dans la capacité qu'Hergé avait d'être lui-même un poète m'a toujours fondamentalement intéressé. Pierre Franaud de Ruelle, vous avez commis plusieurs ouvrages sur l'image selon Hergé, ou plutôt l'image par Hergé. Je me suis interrogé sur cette question que je vous soumets. On voit, on comprend, on réalise par votre travail à quel point la pugnacité d'Hergé, son souci du détail, est omniprésent dans toute l'œuvre. Était-il aussi un théoricien au-delà du praticien ? Non, je ne pense pas. Dès qu'on lui posait des choses un tout petit peu théoriques, il bottait en touche. Je pense que Hergé est un artiste. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des artistes théoriciens. Oui, mais il n'y en a pas tellement, hein, à part Valéry ou Mallarmé. Les poètes ne sont pas nécessairement des spécialistes de l'histoire de la poésie. Ils sont... Oui, mais Léonard de Vinci avait des élèves. Je vous l'accorde, mais c'est une exception qui confirme la règle. Je pense que Hergé n'était pas théoricien. Cela dit, il était fasciné, peut-être flatté, enfin, je ne sais pas, par ceux qui commençaient à trouver que ce qu'il faisait était autre chose que des petits Mickey. Et lorsque je lui ai envoyé mon mémoire de maîtrise en 67 ou 8, il a été tout à fait fasciné. Et l'a aidé dans cette fascination son ami Pierre Sterckx, qui lui aussi était prof dans une école d'art, l'a formé à l'art, et qui lui était théoricien et qui parlait beaucoup, beaucoup avec Hergé. Mais Hergé, je pense, n'était pas théoricien. Il pensait cependant que si ce qu'il faisait avait quelque valeur, cela expliquait ou justifiait qu'on théorisât. En fait, j'ai presque toujours travaillé sans m'occuper de savoir ce que pensait l'artiste. Alors quand ils sont morts, on est tranquille. Mais ça n'est pas parce qu'un artiste a voulu dire ça qu'il a nécessairement raison dans sa réponse. Et puis, il y a toujours ce phénomène du « après moi, rien oui. », qui en dit long sur oui. L'absence de volonté oui. patente oui, oui, de oui. communiquer quoi que ce soit. Absolument, absolument. Ouais. Alors, il était un peu, mais comme tout le monde, prisonnier de l'idéologie selon laquelle l'artiste sait tout sur lui. Ça, c'est une vieille idée qui traîne dans l'université depuis je ne sais pas combien de temps. Et c'est une idée, à mon avis, qu'il faut combattre. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être grand clair concernant les détails de la biographie de Baudelaire pour apprécier tel sonnet. Apprécier au sens artistique, mais aussi scolaire, dans la mesure où un beau travail d'analyse, le choix des consonnes, leur distribution dans le sonnet, etc., tout ce travail théorique n'est pas du fait de Baudelaire, ou plutôt Baudelaire écrivait sous la dictée de la musique qu'il se faisait. Et quand ça allait, il s'arrêtait. Il mettait 6 semaines à faire un sonnet, mais il faisait pas de théorie. Je pense que Hergé, c'est pareil, et puis que Matisse, c'est pareil, et puis que Hopper, le peintre, c'est pareil, etc., etc. Une histoire de rythmique intérieure, c'est ça, donc c'est on ça. Sait qu'elle c'est fonctionne. C'est ça, ouais. Ça marche ou ça marche pas, et ça y est, c'est fini, ça tient debout. Allô ? Allô, fusil lunaire, appelle la Terre ! Allô, vous m'entendez ? La porte extérieure vient de s'ouvrir, je ne sais pourquoi. Toujours est-il que le moteur atomique s'est trouvé coupé automatiquement. Je vais voir ce que c'est. Hein ? Ah, le voilà. Allô, vous m'entendez, capitaine? Bien sûr, avec la radio, je ne suis pas sourd. Je vous écoute, fiston, je vous écoute. Hergé, ses thèmes fétiches. Alors, la liste est tellement... Est-ce qu'il a des thèmes fétiches? Alors, moi, j'ai écrit 2-3 choses comme les doubles, au sens des personnages doubles, les faussaires, oui. les escaliers, oui. les trésors. Et je me suis interrogé à partir des albums Lune. Y a-t-il... Dans ces 2 albums, de la part d'Hergé, il peut retravailler quelques-uns de ce que j'ai appelé ses thèmes fétiches, ou se trouve-t-il, notamment dans le 2e, dans un environnement tellement original, tellement autre? Je me suis dit quand même qu'il arrivait à glisser des choses un peu cousines, pensez notamment à l'apesanteur, qu'on va retrouver dans un tout autre contexte comme le Tibet avec la lévitation des moines. Qu'est-ce que vous diriez sur ça, Pierre Franaud de Ruelle ? Est-ce qu'on a affaire avec la Lune à quelque chose qui est quand même extrêmement déterritorialisé pour Hergé, surtout dans le second album, bien sûr ? Oui et non. Oui, parce que évidemment, c'est la première fois qu'on met les pieds sur la Lune, si je puis dire, et il y a des cadrages, j'allais dire, vraiment original, parce que vous regardez l'image, vous voyez la fusée qui est posée sur la Lune, et puis c'est tout ce que vous voyez, et puis mais qui filme. Bon, enfin bref. Oui, il y a tellement de techniques, rien n'est laissé au hasard. C'est la technicité qui a toujours fasciné Hergé, n'est-ce pas? Les bateaux, les machines, il adore ça. Alors là, il en profite, si je puis dire. Cela dit, c'est un peu à part, parce qu'il y a une mort tragique, Wolf, etc., etc. Mais Hergé, c'est quand même Hergé. Vous avez dit qu'il y a la pesanteur, ça met un peu de dans le whisky, de désordre dans ce monde ultra-rélé de la science. Il y a la rechute des Dupont. Oh, ça par exemple. Hein? Mais ce sont des cheveux jaunes. Quoi? Je m'en doutais. Les policiers. Quoi, les policiers? Les malheureux. C'est un phénomène extraordinaire. Eh oui, c'est une rechute. Mais ils ont déjà pris le remède, mais il faut lui laisser le temps d'agir. Mes pauvres amis. Merci, Tintin. Je souffrais beaucoup. Oh, heureusement. Non, non, pas loin du monde. Bon, et maintenant, messieurs, si vous le permettez, je vais vous couper aussi cette masse de cheveux. Bon, avec plaisir. Et nous serons mieux en bas. Descendez, je vous prie, je vous rejoins dans un instant. Attention, ne vous emmêlez pas dans vos cheveux. Hein. Oui, oui, bien, Tintin, nous vous attendons. Au moment où ils vont arriver sur la Lune, il faut leur couper les cheveux. Et puis, tout d'un coup, Tournesol décrète que, attention, il ne va plus y avoir de pesanteur. Et voilà les moustaches ou la chevelure verte des Dupont qui s'envole, Haddock qui cherche à les rattraper, mais c'est quasiment surréaliste, c'est du collage. Genre, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de tenant, il n'y a plus d'aboutissant, où il y a des rappels, etc., etc. Il se libère, mais je trouve qu'il y a des couloirs de liberté comme ça, qui se creusent, alors que le chemin principal est bardé de techniques et de machines. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ça! C'est un signal transmis par le radar. Et alors, professeur? Il nous avertit qu'une grosse météorite se dirige vers nous. Tenez. Oh là là, diable! Alors nous allons maintenant savoir si le système automatique que j'ai fait installer à bord fonctionne normalement. Et comment saurez-vous s'il fonctionne? Oh, ben c'est très simple. Si tout se passe comme je l'espère, ce système doit agir sur les commandes de direction et empêcher ainsi la fusée d'entrer en collision avec la météorite. Alors sinon... Alors là, c'est encore plus simple. Ah! Ah oui, alors nous entrons en collision avec la météorite et nous sommes proprement pulvérisés. Pulvérisés, t'as l'air de moi, c'est tout ça parce que... Attendez, écoutez. C'est un livre un peu à part, oui. C'est pas mon préféré, mais il y a des moments où j'éclate de rire malgré... Et puis c'est Dupont qui danse sur la Lune parce que tout d'un coup il découvre qu'ils sont légers. Nous allons danser un petit ballet. Un ballet? Oh d'accord. Et hop! Chassé croisé! Hop! Alors, je sais. Si les gens nous voyaient. Oh les gens! Et puis c'est Dupont qui se fâche. Parce que Haddock a dit qu'ils allaient atterrir sur le cirque Hipark et qu'ils cherchaient deux clowns. Et les Dupont prennent la mouche. Comment ça, deux clowns? Etc., etc. Non. D'ailleurs, dit Haddock, non, c'est une erreur. Ce n'est pas le cirque Hipark, on dit quelque chose comme ça. Donc ils n'ont pas besoin de deux clowns. Ah bon, etc., etc. Enfin, il y a un humour verbal aussi qui m'enchante. C'est perroquet dans le trésor de Rackham le Rouge. Ah, ils sont... Ah, oh, sans soif, ma reine... Le fantôme du chevalier de la Haddock. Ça, joue, la gonfle. Regardez, ce n'est pas un fantôme, messieurs. De génération en génération, ils se sont transmis le vocabulaire du chevalier. Ah oui, mille millions de mille sabords. Mille millions de mille sabords. Mille millions de mille sabords. Il y a 3-4 jours, j'ai retenu cette image, je l'ai découpée, je l'ai agrandie. Et j'ai changé le contenu des bulles et je l'ai offert à un ami qui s'appelle Michel, par exemple. Alors, j'ai fait injurier Michel par ses perroquets. Michel, sapajou, salafiste, homéopathe. J'ai réinventé d'autres jurons. Attention, vous y êtes? J'ouvre la porte. L'instant est solennel. La porte extérieure de la fusée tourne lentement sur ses gonds. Oh, quel spectacle hallucinant! C'est... Mais comment vous décrire ce que je vois? Imaginez un paysage de cauchemar, un paysage de mort. Oui, c'est ça. Pas une fleur, pas un brin d'herbe, pas un bruit, pas un oiseau, pas un nuage. Dans le ciel d'un noir d'encre, des milliers d'étoiles immobiles, glacées, sans ce scintillement qui de la terre nous les fait paraître vivantes. Bon, je descends à présent les échelons qui courent le long de la fusée. Hergé a beaucoup de tumulte intérieur, oui. Il passe par de grandes phases dépressives, oui, on pourrait presque dire lunaires. Néanmoins, sa lune à lui, elle n'est pas maléfique, elle n'est pas inquiétante. Certes, il parle d'un ciel d'un noir d'encre, oui. Mais beaucoup plus par émerveillement dans la bouche de Tintin que véritablement angoissant. Il pourrait l'être, d'autant mieux que, au fond, personne encore, avant Tintin, n'y est allé. Ce pourrait être une source d'inquiétude, ça ne l'est point. Pour moi, c'est inquiétant. C'est-à-dire que c'est le vide, c'est le désert. C'est... Heureusement que les Dupont viennent foutre le bordel, parce que c'est quand même sacré. Il y a des crevasses, on risque de tomber dans les crevasses. Il y a... C'est un vaste désert piégeux. Pour moi, c'est pas drôle du tout, la Lune. Heureusement qu'il développe ses gags. Et puis c'est là où il y a quand même un suicide. C'est un... En revanche, la Lune comme objet, elle apparaît bien ailleurs que dans « On a marché sur la Lune ». Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais vous l'avez nécessairement remarqué, il y a beaucoup de pleine lune dans Hergé, comme il y a beaucoup de pleine lune dans la bande dessinée comique américaine, dans Félix le Chat ou je ne sais quoi, ou il y a des... enfin, il y a des lunes. Par exemple, il y a une pleine lune dans le Temple du Soleil, c'est la nuit, Haddock monte la garde avec sa carabine, il fume sa pipe, et puis tout le monde dort, et puis il se tait, je crois qu'il n'y a pas de texte, et puis il y a la pleine lune. Cette pleine lune, c'est un œil pour moi, un œil symbolique qui veille sur la destinée de ceux qui sont en bas dans la case, et on ne sait pas très bien si c'est une lune bénéfique ou une lune maléfique. Il y a aussi une pleine lune dans les Balkans, lorsque Tintin passe la nuit dans la montagne et il attend le matin. Et pendant ce temps-là, l'autre prend de l'avance. À moins que... Bon, ça m'étonnerait qu'il continue sa route dans la nuit. Il doit être comme nous, dans un coin de rocher, mais où? Mon vieux Milio, il n'y a plus qu'à attendre le jour. Dès les premières lueurs de l'aube, nous le remettrons en route. Il y a aussi une pleine lune... etc. Je pense qu'il y a d'autres pleines lunes ailleurs. Il n'y a pas de lune du tout, en revanche, dans la nuit du spectre de Raskar Kapak. C'est une nuit noire. Et il n'y a pas de lune non plus dans cette autre case où Tintin, c'est dans les bijoux de la Castafiore, vient d'être réveillé par la diva qui a vu un spectre, en fait c'est un hibou, et qui réveille tout le monde, qui embête le monde, et Tintin dit « Bon, ben allons voir quand même. » Le « quand même » est parfait. Il se penche sur la nuit. Nous, on est dans le parc, on le voit en contre-plongée, il est éclairé, il n'est pas éclairé justement, la nuit est là et il y a juste un peu de la lumière derrière. Et c'est un noir d'encre. Et il dit à la Castafiore, mais je ne vois rien, madame. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Ouais. Alors que dans les sept boules de cristal, lorsqu'il s'était précipité à la fenêtre, il avait pu voir un bandit s'échapper en silhouette. Dire qu'en passant des sept boules où Tintin est nyctalope, voir la nuit. Et les bijoux de la Castafiore, il ne voit plus rien. Il ne peut plus voir. Il a pris de l'âge. Il a pris de l'âge. La nuit est d'encre. Nuit noire au-dessus de la Sildavi. Il est 1h33min50s. Dans 10 secondes, le professeur Tournesol va appuyer sur le bouton qui déclenchera le départ de la fusée lunaire. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, à la grâce de Dieu. Zéro. terrible impression d'écrasement. Mon Dieu. Mais d'abord, c'est comme si j'avais un éléphant sur le dos. Observatoire à station de contrôle. Nous suivons la marche de la fusée. Entendu. Nous allons essayer d'entrer en contact avec la fusée. Allô, allô, ici la Terre. Allô, fusée lunaire, répondez. Vous avez entendu ? C'est leur chien, monsieur Baxter. Ah, enfin ! Mais qu'est-ce que c'est ? Je... Oh, mais voyons, mais... Mais où suis-je ? Ah oui, oui, ça y est, je me rappelle, oui, oui. Oui, oui, le départ, le lancement, et puis le noir, le néant. Allô, allô, fusée lunaire, nous entendez-vous ? Répondez. Allô, ici, fusée lunaire. C'est Tintin qui vous parle. Je viens seulement de reprendre connaissance après Milou. Vous avez écrit, Pierre Fresneau de Ruel, un ouvrage sur les rêves de Tintin. Et pour revenir à la Lune, j'ai en tête cette image au moment du décollage de la fusée, où l'ensemble des corps, Tintin inclus, est écrasé oui. par le phénomène oui. que l'on peut imaginer du décollage de la fusée de la XFLR6. Néanmoins, mais je me trompe peut-être, je n'ai pas l'impression qu'à bord de la fusée, Tintin ou un autre rêve. Et pourtant, il y a pas de rêve. Partir vers l'inconnu comme ça, avec ce que peut, ce qu'il peut y avoir... Bah, la réalité tient lieu du rêve, là c'est tellement dépaysant, si je puis dire. Il y a 7 rêves chez Hergé, et il n'y en a pas là. Et il y en a un qui est passé à la trappe. Ce rêve qui est passé à la trappe, je vais vous le décrire. C'est un rêve dans un Tintin en noir et blanc. C'est l'oreille cassée. Dans l'oreille cassée version noir et blanc, Tintin cherche à se documenter sur les Arumbaya. Mais avant-guerre. Oui. Donc il ouvre son dictionnaire encyclopédique et il cherche Arumbaya. Et puis il baille, il dit il est temps d'aller se coucher. Et on change de demi-planche. Maintenant, on arrive au bas de la planche. On voit là la pendule, je crois. On voit une petite case où il y a marqué une onomatopée crac. Deux yeux dans le noir. Ça s'ouvre. C'est un Arumbaya. Il rentre dans la chambre de Tintin. Il est en tenue d'Arumbaya, c'est-à-dire tout nu avec sa sarbacane. Et il envoie une fléchette à Tintin. Alors, on tourne la page. Eh ben, il se réveille. C'était un rêve. Et ce rêve qui est très traumatisant, je trouve, c'est l'intrusion, c'est le viol dans la petite chambre, il est chez lui, il dort avec son chien, et puis il y a cette immixtion scandaleuse d'un homme nu avec une sarbacane, avec tout ce que ça peut avoir de phallique, et puis, hop, ça disparaît. Et quand il reprend... Dans la version couleur. Dans la version couleur, il n'y a plus rien. Ça a disparu. Et je ne sais pas pourquoi. Ou plutôt, je crois maintenant savoir pourquoi, parce que ce rêve n'était pas utile. Il était très bien trouvé, il nous faisait peur, mais il n'est bouché sur rien. Alors que le rêve de l'Inca dans les 7 boules de cristal a nécessairement sa raison d'être. Ça va déboucher sur une suite tout à fait importante. À votre connaissance, y a-t-il eu de la part d'Hergé nombre de reconstructions, compte tenu que les premières publications d'un album ne oui. se font pas en tant oui. qu'album, mais oui. se feuilletonnent, oui. donc sur une seule page, après sur deux pages, est-ce que pour c'est... Hergé, il y a des bouleversements ? Oui, oui. Alors, il commence à écrire les soviets, il a de la place. Il a des planches, c'est pas des strips. Il peut raconter tout ce qu'il veut, ça fait 170 ou 180 pages, les soviets, quand c'est reproduit, etc. Et puis, il continue, dans le journal dirigé par l'abbé Wallet, il continue à faire des pleines planches, Tintin en Amérique, je ne sais quoi. Et puis arrive la guerre. Et là, il n'y a plus de papier. Il travaille pour le soir nazifié, et il a à sa disposition un strip. Autrement dit, 4 images. Alors il va faire plusieurs récits comme ça, puis... la guerre se finit avec des ennuis, et puis il fonde le journal Tintin, et à nouveau il a de la place, mais il publie à l'italienne, mais il a de la place. C'est quoi l'italienne ? À l'italienne, c'est un format horizontal, plus large que haut. Et le Temple du Soleil paraît dans Tintin à l'italienne. Bon, puis tout ça va peu à peu changer, et puis il publiera une planche, puis une planche, puis une planche. Et quand il reprend les anciens Tintin pour les adapter au format moderne, au format de Casterman, il va être obligé de faire des découpages pas possibles. Et Godin explique bien ça. Il explique bien, en découpant toutes les unités, les unes après les autres, qu'il colle dans des cahiers, comment il supprime ceci, comment il raboute cela. C'est un recollage extraordinaire. Il n'hésite pas à supprimer des choses intéressantes, mais il veut être cohérent, donc il supprime, il supprime, il supprime. Vous qui avez travaillé en scrutant l'image, non seulement de l'œuvre d'Hergé, mais également de bien d'autres artistes, mais restons sur Hergé, diriez-vous que entre les albums noir-blanc, les albums couleur, au-delà de l'évidente transformation, Hergé a façonné progressivement, disons, comment arrive-t-il à maturité ? Qu'est-ce qui caractérise plus exactement la maturité d'un album d'Hergé ? C'est très compliqué de répondre à cela. Pourquoi ? Parce que le Tintin en noir et blanc a ses vertus que n'a pas la couleur. Et inversement. Le Lotus bleu en noir et blanc, c'est une merveille. Et quand le Lotus bleu est mis en couleur, simplifié, raboté, c'est également un très bel album. Mais ça n'est plus le premier album. Autrement dit, il y a une esthétique du noir et blanc, affinement ou non du dessin, etc., etc., goût des détails, le réalisme gagne, etc. Mais il y a des gens qui sont des inconditionnels du noir et blanc et ceux qui défendent la couleur. Moi, je ne sais pas très bien où je me situe, si ce n'est quand même que pour moi, le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, c'est L'essai de boule, le temple du soleil, c'est-à-dire la couleur. Bon, mais j'admire certains passages en noir et blanc, et je me dis que en gagnant en réalisme et en ajoutant la couleur, Hergé a aussi perdu, parfois, en symbolisme. Je m'explique. Lorsque dans L'île noire, il y a trois versions, hein, une version noir et blanc, puis une version couleur, puis une autre version couleur avec changement de décor, etc., etc. Lorsqu'à un moment donné, Tintin marche le long d'une rivière et c'est en noir et blanc, que fait-il ? Il marche sur l'herbe, on voit la rivière sur sa droite, et puis derrière lui et dans le fond, on voit un bois, une forêt. Entre la forêt et lui, un pré. Et cette forêt, c'est une silhouette noire épaisse, bien plus inquiétante que la forêt avec ses petites feuilles des deuxième et troisième versions. Autrement dit, s'il gagne en précision, il perd en symbolisme. Évidemment, ça ne marche pas à chaque fois. L'image en question est bien plus, pour cet exemple-là, elle est beaucoup plus dramatique pour le noir et blanc que pour la couleur. Donc il y a quelque chose, il utilise le noir et blanc d'une certaine manière, et je dirais qu'en passant à la couleur, il y a quelque chose de perdu en passant d'un registre à l'autre. Cela dit, c'est ce que c'est que le marketing, c'est ce que c'est que de fabriquer un album, etc., etc. Mais dans les deux cas, il y a des vertus qui ne se recoupent pas. Pierre Fresno d'Hervel, ce sera ma dernière question. Avez-vous conscience que vos propos et ce sur quoi vous nous mettez sur la piste risquent fort de faire dégringoler la productivité de tout un pays ? Parce que on n'a absolument pas envie d'aller travailler, évidemment, on n'a qu'une idée en tête, c'est aller rouvrir les albums. Ben oui, mais c'est fait pour. C'est fait pour. Si elle pouvait mettre du plomb dans la tête de ceux qui nous polluent, ça travaillerait au bien de l'humanité. Thank you.